vraiment super. Il cohabite avec des cochons rouges, des bouchers, même des vers de terre. Chanson, il n'avait qu'à ne pas faire les cons.